sont tous partis manger ou quoi? C'est l'apéro déjà? On va pas pouvoir jammer, ça va pas le faire. Moi aussi j'ai besoin de beaucoup de notes, faut que ça varie, ça, sinon on peut pas jammer. Yeah.